Voyage au Maroc par Ferdinand de Lannoy. 1670, 1789, 1860. La contrée que les Européens ont pris l'habitude de qualifier d'Empire du Maroc, d'après le nom aussi mal orthographié que prononcé de l'une de ses capitales, Marrakech, est comprise entre le 28e et le 36e degré de latitude septentrionale et entre le 3e et le 14e méridien à l'ouest par Paris. Baignée au couchant par l'océan Atlantique, au nord de la Méditerranée, confinée à l'est par l'Algérie et enfin au sud par le Grand Désert, elle renferme dans ses limites une superficie de 577 500 km², c'est-à-dire supérieure de 47 500 km à celle de la France actuelle. Mais tandis que le seul mot « France » résume, pour une population compacte de 37 millions d'hommes, l'œuvre d'unité élaborée par de longs siècles, l'idéal du devoir et du droit, le foyer où l'on est, où l'on croit, où l'on aime, où flotte le drapeau pour lequel on meurt, et enfin cette chaîne électrique de solidarité traditionnelle qui remonte du berceau de l'enfant au tombeau vénéré de tous les héros, de tous les pères de la patrie, la contrée dont nous parlons ne porte réellement aucun nom parmi les 6 ou 7 millions d'êtres humains d'origines diverses qu'elle nourrit. En Algérie, on l'appelle simplement El Karb, l'Occident. Pour les écrivains arabes, du temps où les Arabes écrivaient, c'était le Maghreb, l'Occident éloigné. Pour l'habitant du Maroc, c'est simplement la terre du maître, le beled de tel ou tel sultan. Hier, le beled d'Abderrahman, aujourd'hui celui de Moula Abbas. Entre l'état de choses que ce seul fait révèle et les conditions sociales qu'impliquent nos idées modernes de patrie et de nationalité, il y a donc un abîme. Si les populations du Maroc n'ont pu le franchir ou le combler, on ne peut l'attribuer ni au manque de temps, ni au défaut de communication avec le reste du monde. Déjà 8 siècles avant notre ère, le Carthaginois Hannon les avait mis en rapport avec les foyers de la civilisation antique, et ces rapports ont continué sous l'Empire romain et sous le califat. Bien plus, avant et depuis ces époques, presque aucun des grands courants de migration qui ont remanié la face de la terre n'a fait défaut au Maroc. Ibères sortis de l'Espagne, Amazirques, Cheloub ou Berbères, descendus à une date ignorée des plateaux de la Haute Asie, Hébreux et Syriens, échappés par milliers des naufrages successifs de Tyr, de Samarie et de Sion, Vandales, venus des extrémités du Septentrion, Arabes du Yémen, poussés par Mohammed à la conquête du monde, Noirs du Soudan, achetés ou volés sur leur terre natale, toutes les branches de la race humaine ont déposé sur ce sol quelqu'un de leur rameau. Mais aucun n'a été assez puissant pour y remplacer, par les habitudes stables et fécondantes de l'agriculture, cette première nourrice des citoyens et des États, les errements déprédateurs de la vie nomade, et pour faire jaillir la cité d'un douar de pasteurs, d'un repère de pirates ou d'une citadelle de tyrans. Les villes du Maroc, si familiers que soit leur nom aux oreilles européennes, ces métropoles, dont on a fait sonner si haut les richesses et la population, n'étaient guère encore rien de plus que ce que nous venons de dire, et à mesure qu'elles ont cessé de l'être, elles se dépeuplent et s'écroulent, à l'image de tant d'autres, dont les vestiges sans nom sur les bords des fleuves tarés du Maroc étonneront un jour l'archéologue et l'antiquaire. De Tanger à Taroudan, de Salé au Tafilet, il n'y a que des ruines, les opprimés soumis ou révoltés et un maître. De là, l'agonie du Maroc est l'excuse de toute invasion européenne qui viendra y mettre un terme.